La confiance est le putain de meilleur ami de la réussite. Véridique, frelon, tu me suis ou c'est comment? Hein? J'peux croire en moi, hey. J'ai battu 1 million de spermatozoïdes à la course avant de naître. J'suis bon, je n'écrase même pas les négos. Sois le best, tu les blesses dans les go. Confiance en nous comme des guerriers. Si tu t'aimes pas, t'es hypocrite. Roule des épaules comme Maurice Green. Roule des épaules comme Maurice Green. Roule des épaules comme Maurice Green. On va graffer, on s'est écrit. On a juste perdu le manuscrit. Roule des épaules comme Maurice Green. Roule des épaules comme Maurice Green. Respecte les remparts et respecte l'ambiance. On est fiers de nous, frôlons, rompons pas le pifeu. On reste, on se bat, oh oh yes. Et ville à l'envers, ça donne le concert. Y'a de la jalousie cachée dans les conseils. Mais fume mes petits, j'suis comme Philippe Maurice. J'suis en même temps Lyon, en même temps concert. J'veux pas des sapés taraclis, je ne tiens pas les pâtés. Omar Sy ne mange pas de porc, mais il agraille tous les pâtés. Le monde est fou, j'suis au rendez-vous. Le monde est méchant. Métro une abomination, pour qu'il existe, on a dû déterrer des gens. Te fais pas aux commentaires de mon Facebook, j'y ai 70% d'ennemis. Ils écorchent mes punchlines, mais les vrais font plus de bruit qu'un 2,5. Capitaliste, on a une morale squelettique. Quoi que l'entende, le prisonnier politique. Même les jumeaux se retrouvent seuls sous terre. Tu crois pas en toi qui va le faire et tu rêves. Sois confiant ou t'es cuit. Ils diront, ils se prennent pour qui? Je suis une roulette russe ou tu cliques ou tu crèves. Guy se prend 50 000 E par an. Je risque de dormir dans la rue en parent. Chinois de droite à gauche et sioniste. Si tu t'appelles Luc, quitte tes parents. J'suis bon, je n'écrase même pas les négos. Sois le best, tu les blesses dans les go. Confiance en nous comme des guerriers. Si tu t'aimes pas, t'es hypocrite. Roule des épaules comme Maurice Green. Roule des épaules comme Maurice Green. Roule des épaules comme Maurice Green. On va graffer, on s'est écrit. On a juste perdu le manuscrit. Roule des épaules comme Maurice Green. Roule des épaules comme Maurice Green. Ma gueule, on a le sang froid dans les sautages. Sors un paros, une caropette, le libère l'otage. Ghetto serviteur, un peu soldat. J'ai des délivres, j'suis terrible, j'suis insortable. Petit comme le roi David, j'crève l'œil du géant incirconcis. J'regrette le charisme et la franchise de Sarkozy. J'touche de l'oseille, PMF. J'ai épousé une belle meuf. Tu ne fais que chez neuf. Je ne fais que des chefs d'œuvre. Dans du cellophane, personne saura combien tu pèses. La capote, un anti-sortilège. Pendant que tu pèses, trop chaud. J'suis trop chaud, la tête de homme. Tu veux ouvrir un hammam, appelle-moi. Tu veux allumer un man, appelle-moi. J'dis ce que j'veux sur la religion, mais quand j'passe, j'suis trop intelligent. Signé plein major, même gradure l'a dit que c'est une carotte. T'es cuit, ta meuf met des jeans. Toi, tu vas prier dans une robe. J'suis plus viril qu'Hercule, comme mes frères de Turquie. Ami stonable, creux dans l'estomac. J'te nique et j'mets une virgule. J'reconnais aucune religion en arabe, la honte c'est Hachem. Toi t'as juste des grosses couilles parce que t'es un chien. J'suis bon, je n'écrase même pas les négos. Sois le best, tu les blesses dans les go. Confiance en nous comme des guerriers. Si tu t'aimes pas, t'es hypocrite. Roule des épaules comme Maurice Green. Roule des épaules comme Maurice Green. Roule des épaules comme Maurice Green. On va graffer, on s'est écrit. On a juste perdu le manuscrit. Roule des épaules comme Maurice Green. Roule des épaules comme Maurice Green. Provocateur comme des proches. Les vrais m'appellent, je décroche. Sur mon talent, les balles ricochent. Je dois remplir mes poches. Je peux pas me casser. Leurs faces sont trop moches. J'offre au bras cassé des doudounes sans moche. Qu'est-ce qu'on disait? Plus besoin d'être seul. Classisé, j'ai meilleur rap, en plus je suis améliorable, je vais les traumatiser. On est mélangé comme dans Rush Hour. Ramène la couronne, wesh, ah ouais. J'suis bon, je n'écrase même pas les négos. Sois le best, tu les blesses dans les go. Confiance en nous comme des guerriers. Guerriers. Si tu t'aimes pas, t'es hypocrite. Roule des épaules comme Maurice Green. Roule des épaules comme Maurice Green. Roule des épaules comme Maurice Green. On va graffer, on s'est écrit. On a juste perdu le manuscrit. Roule des épaules comme Maurice Green. Roule des épaules comme Maurice Green. La grinta, le courage, l'audace, nigga, l'audace, nigga. Oh. L'audace, nigga.